بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، أولا أسأل عن الكلمة، ما معنى رأى يرى؟ مكتب البريد، صندوق البريد، البريد المسجل. والمسجل على باز ما معنى مسجل؟ لبس يلبس البريد العادي. أضمن برقية. أسرة. سليم. هيا. علي. يعني. نعم. أرسل يرسل. هنا. ici. معا. ensemble. الطريق. chemin. عندك. Ils veulent envoyer une lettre. Qu'est-ce que tu as cool? Ils veulent envoyer une lettre. Yuridun. Nam. Yuridun. En Yursilu. Nam. Yursilu. Risala. Taïeb. En Yurs. Nam. Yurs. Nam. Taïeb. En Al-Nun. أيوة، ما زلنا معك. نريد أن نرسل إن النون يريدون أن يرسلوا. لماذا حذفت النون؟ قطع من النون. يرسلوا بعدين يريدون أن يرسلونا، قطع من النون. نعم. لماذا؟ لأن صحيح فنون. نعم. الآن لماذا؟ Parce qu'il est monsou. Quand il est monsou, et qu'il a un nounou, on lève. Taïeb. Qu'on a qu'un million. Salif. Hein? الثالث. طيب. الرابع. الثالث فعله معا ونفصل. طيب. الرابع نحول كما في النموذج. نعم صح. تفضل الجملة الأولى. هو يريد أن يحفظ القرآن. نعم. أنتي. أنتي تريدين أن تحفظي القرآن. نعم. هما يريدان أن تحفظ. لا. أن يحفظ. نعم. القرآن. رابع. نحن. نحن نريد أن نحفظ القرآن. نعم. خامسا أنتما. أنتما تريدان أن تحفظ القرآن. أحسنت. سادس هن يريدن أن يحفظ يحفظنا القرآن. أحسنت. لماذا ما حذفت النون هنا؟ كنت تقوم بالنون؟ باسكو لو نون لا يرجع إلى سان ضمير. Ouais, on n'enlève pas. Non. Et le fir, quand il est accroché à un nun niswa, il est même ni. Il ne change pas. Sabian, anta. Anta turidu an tahfaza al-Qur'an. Thaminan, antunna. Antunna turidna an tahfazna al-Qur'an. Non. Ana. Turidu an tahfaza al-Qur'an. ثالثا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة لما يلي. الجملة الأولى أخي من كراما يريد الابن أن يرى والده. نعم ça en yara walida yara il reste le ya à la fin du yara c'est pas il y a un alif non il bouge pas l'enfant ou le fils de voir son père fanian yurid al amil an yalbasa al malabisa nam le travailleur veut revêtir ses vêtements thalithan al barid al musajjal أدمانه من البريد العادي عادي. نعم. Le courrier recommandé est plus sûr que le courrier normal. رابعا. صندوق البريد قريب من هنا. نعم. La boîte aux lettres est proche d'ici. خامسا. وصل الموظف إلى مكتب البريد مشيا على الأقدام. نعم. L'employé est arrivé à la poste en marchant sur ses pieds. Non. Tout à l'heure, tu as dit. C'est pas Andy, hein? C'est Indi. Tant souvent, on dirait que tu mets une fatha sur le Aïn. Ah. On dirait, c'est l'impression que j'ai. Donc c'est Indi. Non. Non. Le dot, là. Des fois, moi, j'entends pas le dot. J'entends pas. Il ressemble beaucoup, parce que la langue le lève. Là, c'est dans le tajwid, tu vas l'apprendre. Makhraj al-Zad. Yassam wa Zad. Moi, on va pas parler de ça, moi, des langues. Ça, c'est dans le tajwid, tu vas apprendre où placer ta langue. Le makhraj des hurouf, comment les lettres sortent. Tu verras que le Zad, quand tu vas bien le prononcer, Yassam wa Zad. Même quand tu vas entendre les gens parler qui prononcent bien, tu vas voir Yassam wa Zad. Il est entre le Del et le Zad. Tu vois, il ressemble un petit peu au Del. C'est la lettre qui est la plus dure à prononcer. Le dame. Non. Peut-être le kof aussi, pour les gens qui sont au début, et le haïn pour certaines personnes. Par exemple, les anglophones, ils ont du mal avec le haïn. Beaucoup de mal. Ikra. Taïb. Awalen. Ajiben asilati l'atiya. أين قابل إبراهيم صديقه سليما؟ قابله في الطريق إلى مكتب البريد. نعم. ثانيا لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد؟ ذهب إليه لأرسل لي. نعم لي. لأرسل. لا. لأرسل. لا. من يرسل؟ من؟ ليرسل رسالة. ثالثا لماذا ذهب إبراهيم معه؟ لأنه يريد أن يرسل باقية إلى أسرته. نعم. رابعا لماذا لم يضع سليم رسالته في صندوق البريد؟ لأنه يريد أن يرسل رسالة بالبريد المسجل. نعم. أحسنتم. ندخل في

طيب اولا استميع وردد. Donc maintenant il va vous apprendre comment employer l'ada qui veut dire عند. عند الان نعم. الفرق بين عندي قلم ولدي قلم. عندي قلم سي جي ان ستيلو mais c'est pas qu'il soit avec toi. C'est pas qu'il soit à la maison. ولدي قلم il est avec toi sûrement quand tu parles. مس معي كما قلت. معي قلم. طيب لدي قلم pareil. لدي رسالة. Donc là c'est j'ai une lettre. On dit لدي parce que dedans à la base c'est لدي. Et là on a donc là il s'est passé quoi? On a dû y accrocher يال متكلم qui revient à moi. Donc ça a fait من شدة sur le يا. En fait on a deux يا maintenant. Parce que لدي quand tu l'accroches à un domir il se transforme en يا. Tout seul, c'est l'ada. C'est un alif maksour. Vous voyez, un alif en forme de ya. Mais dès que tu accroches un domir, il se transforme en ya. Donc là, on va avoir deux ya. Donc on met une chedda. Thanien, la deina kitabun. Nous avons un livre. Thalithan, la deika palamun. Tu as un stylo. Rabian, la deiki haqibatun. Tu as une valise à une femme. خامساً لديهما درج. Ils ont un casier. Ou tous les deux ont un casier. On dit pas لديهما. لديهما. Là pour la liaison quand il y a devant, c'est comme fihi. Tu dis pas fihi. C'est dit. Tu peux le trouver dans une langue, tu peux le dire. Vous voyez, dans le Coran, c'est venu عليهو. Mais le mieux là à ce stade-là, c'est, tu penses qu'il est connu chez les gens. Quel verset عليهو? C'est dans le Fath. Soit elle fatah. Oui, il y a un verset où il y a un verset. La deihima burjun. Normalement, c'est la deihuma. Mais là, pour la liaison entre le ya et le ha, on le met une kasra. Sadisan. La deihim seyyaratun. Ils ont une voiture. La deihinna mektabatun. Elles ont une librairie ou une bibliothèque. Faminan, la deikuma hafilatun. Vous avez tous les deux un bus ou un car. Tasian, la deikum bikala. Vous avez une épicerie. Ashiran, la deikunna barqiyatun. Vous avez, en parlant des femmes, un télégramme. Donc il dit ثانياً حاول كما في النموذج لدي رسالة أريد إرسالها. Donc la même phrase en dessous entre parenthèses et en dessous entre parenthèses mais نحن. Donc il veut que vous fassiez la même phrase avec les dhamma'ir qui sont exposés en dessous. نحن مثلا comment tu vas dire لدينا رسالة نريد إرسالها. طيب ما أنا بس فاسيلي ديجا على بس لدي رسالة أريد إرسالها. ما شنجي لفاز لدي مصحف أريد أن أحفظه. مصحف ميم صاد حاء فاء. أريد حفظه عفوا. لدي مصحف أريد حفظه. حفظ كي المصدر حافظ يحفظه. نعم. طيب ثانيا مع نحن عندك داود. لدينا لا لا لدينا نعم لدينا لدينا مصحف لدينا مصحف أريد نريد نعم نريد حفظه حفظه نعم ثالثا أنت لديك مصحف تريد حفظه نعم رابعا لديك مصحف أريد تريدين حفظه حفظه خامسا أنتما لديكما مصحف تريدان حفظه نعم سادسا أنتم لديكم نعم لديكم مصحف مصحف مصحف يريدون لا أنتم تريدون نعم حفظه أيوة أنتن أنتن لديكن مصحف تريدن حفظه نعم ثامنا هو لدى لدي تقول دمي متصل كان يا هو لديهم ما من نوع بمت النماء ما تبغى ديا سكان دما سي سي كو Comment tu dis fille et roi Lédehi Mushaf Mushafu Yuridu Ifzo Tassian, hiya Lédehi Mushafu Yuridu Ifzo Yuridu Ifzo Non Huma Huma Lédehi لديكما أيوة c'est ça لديكما مصحف attends c'est هما c'est pas أنتما c'est غائب là لديهما لديهما لديهما le هاي devient كسرة لديهما مصحف أريد الحفظ يريد لا هما كيف تقول يريداني نعم يريداني حفظه نعم المناصي هما ودفهم انتبه هما لديهما مصحف يريداني دفن الغائب المؤنث كيف تقول لا كم تريد هي تريد أو تريدان أيوة تريداني لديهما مصحف تريداني حفظه نعم هم لديهم لديهم مصحف يريد نعم هن لديهن نعم هن لديهن مصحف تريدن